À vous tous et merci de nous rester fidèles. Bienvenue à l'écoute de ce journal dont voici le sommaire. Le Conseil des ministres qui s'est tenu ce vendredi a adopté le projet de loi portant création d'un fonds de garantie agricole. Vous entendrez dans cette édition le porte-parole et secrétaire général du gouvernement. Arumongue, c'est la reprise des activités d'abattage et de commercialisation des porcs. Des consommateurs s'en réjouissent. Notre correspondant nous fera le point dans cette édition. À Bobanza, également des enseignants dont les élèves ne réussissent pas convenablement seront affectés ailleurs. Une décision de l'administration communale de Gihanga. À la fin de cette édition, comme à l'accoutumée, vous avez droit à la revue de la presse. Je vais céder le micro à Vestine Bouto et Alain Désiré Boukeneza pour vous présenter la revue de la presse. Voilà pour l'essentiel de cette édition qui est mise en onde par Eric Ouimane. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Je vous le disais tantôt, le gouvernement burundais a créé un fonds de garantie agricole pour appuyer ce secteur afin de faciliter l'accès aux intrants agricoles. Cela fait partie des points analysés lors du Conseil des ministres tenu ce vendredi. Au début, plus de 2 milliards sont alloués à ce fonds. Prosper Nagwamie, secrétaire général et porte-parole du gouvernement, précise que l'un des critères pour bénéficier le crédit figure la présentation d'un projet agricole bancable avec sous couvert de l'administration suivie. Le gouvernement du Burundi a manifesté l'intérêt de soutenir le secteur agricole, moteur de croissance de l'économie nationale, à travers la création d'un fonds de garantie agricole pour faciliter l'accès aux intrants agricoles. Le fonds a été mis à la disposition du FIGA pour sa gestion. Le fonds de garantie agricole a pour objectif de garantir partiellement ou en totalité les emprunts contractés par les exploitants agricoles à travers un établissement de crédit ou une institution de microfinance. Les conditions d'éligibilité et les modalités d'octroi des crédits sont fixées dans une convention signée entre le FIGA et l'établissement de crédit ou l'institution de microfinance partenaire. Ce projet d'ordonnance a pour objet de définir les modalités pratiques de gestion de ce fonds, ses conditions d'accès, ses gestionnaires ainsi que les bénéficiaires. Le montant alloué initialement au fonds de garantie agricole est de 2,5 milliards de francs bruts. La quantité de garantie de portefeuille est répartie comme suit. Crédit d'un million à 10 millions de francs bruts, garantie de 80% du crédit en principal. Crédit de plus de 10 millions à 100 millions de francs bruts, garantie de 60% du crédit en principal. Crédit de plus de 100 millions à 300 millions de francs bruts, garantie de 50% du crédit en principal. En cas de calamité naturelle reconnue par l'autorité compétente, la couverture de la garantie sera de 100%. Les bénéficiaires des crédits agricoles sont les exploitants agricoles répondant entre autres aux critères ci-après. Être agriculteur ou agri-éleveur exerçant une activité agricole ou agro-pastorale, pairie agricole faite soit individuellement, soit au sein d'une coopérative, petites et moyennes entreprises agricoles d'élevage ou au sein d'un groupement d'intérêt économique ayant une superficie d'au moins 2 hectares. Présenter un projet agricole ou péri-agricole bancable comportant un sous-couvert de l'administration locale. Présenter un document de promesse d'encadrement du projet fourni par le moniteur agricole. Après échange et débat, le projet a été adopté avec quelques retouches de forme. Au cours de ce Conseil des ministres, il a été adopté le projet de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre du génie civil. Selon le secrétaire général et porte-parole du gouvernement, ce projet de loi vient combler le vide juridique qui existait. Il présente également des avantages dont la défense de leurs intérêts. La profession d'ingénieur est exercée par des Burundais, des étrangers, dont certains n'ont pas les qualifications requises, car tout le monde se permet de s'attribuer ce titre et par conséquent d'exercer illégalement cette profession. Cette situation engendre le non-respect des normes de la construction. Comme les opérateurs des autres pays membres de la communauté sont organisés en association, en corporation ou en ordre, y compris pour le cas des ingénieurs, et dans la mesure où les ingénieurs de ces pays s'implantent progressivement dans le nôtre, l'absence d'interlocuteurs valables dilue les capacités des ingénieurs burundais pour des interventions dans ces autres pays. En outre, cette absence d'organes pouvant défendre les intérêts des ingénieurs locaux marginalise ces derniers. La mesure de réciprocité proposée dans son projet de décret vise à établir un équilibre rationnel entre les ingénieurs burundais et leurs confrères étrangers et ouvre en même temps un vaste champ où les ingénieurs burundais pourraient récolter des connaissances liées au nouveau développement technologique. Ainsi, la réglementation de la profession d'ingénieur va permettre aux ingénieurs burundais de s'épanouir tant au niveau national qu'international et au gouvernement d'opérer le contrôle fiscal pour ces professionnels. Ce projet de décret vient combler un vide juridique réel et mettre fin au désordre observé dans ce secteur. Entre autres objectifs poursuivis, il s'agit d'organiser et réguler le secteur de l'ingénierie, contribuer à la protection de la population, promouvoir le développement du secteur de l'ingénierie, protéger le métier d'ingénierie, faciliter l'épanouissement des professionnels de l'ingénierie et contribuer au développement durable du pays. À l'issue de l'analyse, le projet a été adopté avec entre autres recommandations de séparer les définitions des domaines d'intervention, indiquer tous les organes de l'ordre et expliquer leur rôle, préciser qui reçoit le serment de l'ingénieur, bien mentionner les missions de l'ordre des ingénieurs, ramener à 5 ans le nombre d'années d'expérience exigées pour être membre de l'ordre, enrichir les conditions d'accès pour les étrangers en mettant un accent sur le principe de la réciprocité. Pour toute personne qui s'estime lésée par une décision du Conseil de l'ordre, terminer l'affaire au niveau du comité de discipline avec une possibilité de recours chez le ministre avant de saisir la juridiction compétente. Se référer aux autres organes similaires de la sous-région. Préciser les missions de l'Assemblée générale ainsi que son fonctionnement. Préciser les attributions du président et du vice-président du Conseil de l'ordre. Et enfin, mettre en place l'autorité de régulation et de coordination des infrastructures. À 13h03, poursuivons cette édition. Les enseignants qui travaillent aux écoles où les élèves ne réussissent pas seront déplacés vers d'autres écoles afin de voir si les résultats peuvent être améliorés. C'est ce qui a été déclaré ce vendredi par l'administrateur de la commune Guianga dans la province de Bubanza. C'était lors des cérémonies de la journée internationale de l'enseignant, normalement célébrée le 5 octobre de chaque année. Les enseignants, tout comme les représentants des syndicats, expliquent qu'à leur tour, que les échecs des élèves dépendent de plusieurs facteurs. Spécialitas Kavanyan. Les enseignants ont été pointés du doigt par l'administrateur de la commune Guihanga qu'ils ont une grande part de responsabilité dans l'échec des enfants. Lors de cérémonie de la journée internationale de l'enseignant ce vendredi, une journée normalement célébrée le 5 octobre de chaque année, dans son discours, Léopold Ndayisaba, administrateur de la commune Guihanga, a dit ne pas comprendre comment un enseignant peut travailler sur une école pendant plusieurs années, jusqu'à 10 ans même, et que les résultats des élèves ne s'améliorent jamais. Et il a précisé que de tels enseignants seront déplacés sur consultation avec les responsables scolaires, l'administration et ses enseignants même vers d'autres écoles afin de voir si le rendement peut être amélioré. Les enseignants, tout comme les représentants des syndicats, expliquent autrement l'échec des élèves qui dépend de plusieurs facteurs comme les effectifs des élèves très élevés dans les salles de classe, le manque de support pédagogique, les programmes mal conçus et autres, comme l'a déclaré Nicodème Baranyanga, représentant le syndicat STEB dans la province de Mubanza. Cette commune de Guihanga a été la dernière parmi les 5 communes de la province de Mubanza au concours national de la 9e année édition 2021-2022. Spes Caritas Kavanyana, Mubanza, Radio Isanganiro. Merci, Spes Caritas Kavanyana de Mubanza, Kapsiro Mongue, où le commerce et l'abattage des porcs suspendus dès le début du mois d'octobre suite à la peste porcine africaine ayant attaqué ces bêtes sur certaines collines de la province de Lomongue sont autorisés à reprendre depuis l'après-midi de ce 4 novembre. Le bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage à Lomongue qui a pris cette décision explique que plusieurs jours viennent de passer sans cas. Les éleveurs et les consommateurs ainsi que des bouchers s'en réjouissent, n'est-ce pas, Jean-Pierre Missago? C'est un communiqué du directeur du bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage à Rumonge, sorti l'après-midi de ce vendredi avec sous couvert du gouverneur de la province Rumonge qui y autorise la reprise du commerce de l'abattage des porcs après près d'un mois qu'ils sont suspendus. Ingénieur Abel Ndengimier, directeur de ce bureau provincial, explique qu'il n'y a aucune autre raison de prolonger cette suspension car, selon lui, la peste porcine qui sévissait et qui était à l'origine de cette mesure n'y est plus. Le dernier cas de cette maladie étant rapporté le 11 octobre 2022. Cependant, les éleveurs de porcs doivent être toujours vigilants et avertir ce bureau chaque fois que de besoin, avertit ingénieur Abel Ndengimier. De leur côté, les éleveurs de porcs contactés s'en réjouissent, expliquant qu'ils recouvrent désormais la liberté de vendre leurs bêtes afin de subvenir à leurs besoins. Il en est de même chez les bouchers et les consommateurs de viande de porc. Depuis que cette maladie a été rapportée en province Rumonge le 3 octobre 2022, 92 porcs ont été attaqués, parmi lesquels 30 morts sur 3 collines des communes Rumonge et Burambi, selon les statistiques disponibles à la Direction provinciale de l'environnement, agriculture et élevage de Rumonge. Jean-Pierre Misago de Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Le chef collinaire de Munine en commune Gatara de la province Kayanza Solamente qui est le présumé auteur de l'endommagement de ses champs de maïs la nuit du jeudi au vendredi reste libre. Il demande que la justice soit faite. La police opérant en commune Gatara indique qu'il sera arrêté et interrogé le début de la semaine prochaine. Patrick Nsengioumf. D'après des informations fournies par Nizigiman a réveillé le chef coordinateur Munini en zone Mbilizi de la commune Gatara en province Kayanza, ses champs de maïs ont été endommagés la nuit du jeudi au vendredi la semaine en cours. Il indique que cela arrive au moment où une réunion des cultivateurs exerçant les activités dans le marais de Rougourou a été tenue pour voir comment mettre en place un groupe de centenaires chargé de la sécurité de ses champs de maïs la nuit. Nizigiman a réveillé pointé du doigt son frère avec qui il a déjà des conflits fonciers. Ce chef coordinateur Munini regrette que celui-ci a d'ailleurs endommagé son autre champ de maïs le mois de juillet, mais qu'il y a eu un arrangement à l'amiable dans la famille. Interrogé la police Evra en commune Gatara, le commissaire communal est dit être au courant de cette situation. Cette autorité postière à Gatara fait savoir que l'officier de la police judiciaire en cette commune a été sur le lieu pour faire le constat, mais que malheureusement, le présumé auteur de ce forfait avait déjà pris le large. Nizgiman a révélé balayé d'un revers des mains ses propos. Il fait savoir que hier la nuit, la police opère en zone Mbilizi, a demandé à l'officier de la police judiciaire que ce présumé auteur de l'endommagement de sécurité soit arrêté, mais qu'il n'a pas autorisé le mandat d'arrêt. Il demande que la justice soit faite. Dona Sindi Kubimana, conseiller de l'administrateur en commune Gatara en charge des affaires sociales et juridiques, le tranquillise que l'administration interviendra dans cette affaire le début de la semaine prochaine. Cette autorité administrative communale à Gatara appelle la population qu'il dirige à couper court à la justice populaire, mais plutôt de se confier aux instances judiciaires en cas de conflit. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiouva pour la radio Isanganilo. Merci Patrick Nsengiyumva. En RDC, plus de 45 cas, dont 15 parmi eux sont des Burundais du camp de transit de Kavimvira dans la ville d'Uvira, où le choléra a fait son apparition depuis 2 semaines, ont été détectés. Selon le chargé des maladies épidémiologiques à la zone de santé urbaine d'Uvira, Jacques Alonda, aucun cas de décès a été déjà enregistré. Il appelle les habitants au respect des règles hygiéniques. Jérémy Kouhima, depuis Uvira. Selon notre source, l'épidémiologiste, ces malades proviennent pour la plupart des quartiers se trouvant au nord de la ville d'Uvira. À la semaine 43, on avait déjà notifié 14 cas qui, entre parenthèses, pouvaient dire que nous avons atteint les seuils d'alerte. Et ça n'est suivi à la semaine 44, la semaine qui est en cours. Nous avons déjà eu à notifier 32 cas et la semaine n'a pas encore pris fin. Ce qui veut dire que cette semaine, 34 a déjà dépassé même l'essai épidémique qui est de 25 cas. Et donc, il y a vraiment les flambées des cas de choléra dans la zone de Sang. La semaine 44 est comptée du 31 octobre au 5 novembre. Et les 4 aujourd'hui, nous sommes 10 heures déjà, il y a déjà 6 cas déjà enregistrés au CTC. Et on n'a pas encore fini la journée. Combien de Burundais sont atteints? Jacques Alonda nous répond. De ces 32 cas ici de la semaine 44, le camp de réfugiés lui-même a déjà fourni déjà 14 cas sur les 32. En termes de pourcentage, allez-y comprendre, c'est près de 50% des cas de choléra qu'on a déjà notifiés qui sont venus dans les cas de réfugiés. Et les autres cas sont venus de Kasenga État, Kavimvira et Kilomoni. Au sein des réfugiés, l'on parle d'une panne survenue dans le système de pompage d'eau à la base de ces maladies hydriques. Les réfugiés se contentent de l'eau du lac Tanganyika, un lac aussi endémique au choléra. Depuis Uvira, Jérémy Kouhima pour Radio-Télévision Isanganiro. Merci Jérémy Kouhima pour tous ces détails. À 13h11, c'est par ici que nous mettons la boucle de cette édition. Merci à vous tous d'avoir suivi. Merci à Eric Wimana pour la mise en onde. Je cède le micro à Vestine Woutoué, Alain Désiré Woukeneza pour vous présenter la revue de la presse. Gardez l'écoute. Bonjour ou bonsoir, bienvenue à cette revue de presse. La fraude de haricots vers les pays frontaliers avec la province de Muyinga défraie la chronique, titre l'agence burundaise de presse. En effet, les administratifs des communes Muyinga, Butihinda, Gitera, Nyeo, Hinyuza frontalières avec la Tanzanie sont depuis le mois de juillet dernier à couteau tiré avec les commerçants qui acheminent du haricot en Tanzanie, explique ce journal. Précisant que 17 tonnes ont été déjà interceptées dans ces communes. Selon des sources de ce quotidien, ceux qui acheminent du haricot en Tanzanie sont attirés par le meilleur prix au kilogramme offert par les Tanzaniens. En effet, rapporte la BP, le coût d'un kilogramme s'élève à 170 shillings tanzaniens, soit 2380 francs burundais, un prix variable suivant le taux de change du jour. Lors d'une réunion, lundi de cette semaine écoulée, regroupant les administrateurs de ces communes citées, les chefs de zone, chefs de colline, les responsables de corps de défense et de sécurité, ceux des forces de l'ordre et de tous les responsables du parti au pouvoir exerçant dans des entités frontalières avec le Rwanda et la Tanzanie, écrit toujours l'ABP, le gouverneur Jean-Claude Walutwanayo a regretté la complicité de certains administratifs, policiers et militaires affectés dans les localités où passe cette fraude et les jeunes Imbonerakure qui se font graisser la pâte et laissent passer le haricot. Il a invité le parquet à déférer devant la justice les fraudeurs déjà appréhendés pour décourager ce trafic. Le cours de TIC, une bête noire dans l'enseignement général et pédagogique, constate la voix de l'enseignant. Depuis la réforme du fondamental, un nouveau cours de technologie de l'information et de la communication a été introduit dans les programmes des écoles post-fondamentales de l'enseignement général public et privé, rappelle ce journal. Ainsi, comme ce cours devrait être plus pratique que théorique, son confrère constate que même les enseignants qui dispensent ce cours dans pas mal d'écoles n'ont pas la compétence requise pour le faire correctement et aisément. Les enseignants interrogés à cette fin par cet hebdomadaire de l'éducation affirment que ce cours leur cause beaucoup de problèmes parce que non seulement ils n'ont pas vu ce cours pendant leur formation initiale, mais aussi ils ne disposent pas d'outils informatiques, à quoi s'ajoute l'enclavement de certaines écoles pour accéder au courant électrique. Les directeurs des écoles se focalisent sur le fait qu'ils les ont vus en train de manier un ordinateur. Ils lancent un appel vibrant aux autorités ministérielles d'organiser une formation à leur intention afin d'avoir la capacité minimale d'enseigner ce cours aussi important pour le siècle. enfin d'enseigner et les élèves feignent de comprendre, ironise son confrère avant de lancer, non sans regret, enseigner dans ces conditions devient un leurre. Sous le thème « Tirer parti des investissements du secteur privé pour la transformation économique, la création de l'emploi et la croissance inclusive », le gouvernement du Burundi, conjointement avec le groupe de la Banque mondiale, a organisé mercredi le 2 novembre cette année la première édition du Forum national sur le secteur privé du Burundi, une occasion de présenter les résultats d'un diagnostic du secteur privé fait par la Société financière internationale IFSC en sigle, membre du groupe de la Banque mondiale, rapporte Burundi Echo. Ce journal spécialisé dans les questions socio-économiques relaye le constat que c'est un secteur miné par un environnement des affaires défavorable. En effet, l'étude de l'IFSC s'accorde avec les propos des hommes d'affaires burundais. Le secteur privé fait face à la faiblesse des institutions et de la gouvernance. La corruption, l'application discrétionnaire des lois et règlements, la prestation des services publics insuffisante défavorisent les affaires. Les distorsions du marché causées par l'absence des règles du jeu équitables dans les marchés publics entravent la productivité et la croissance du secteur privé au Burundi, note l'hebdomadaire Burundi Echo. Ainsi s'achève cette revue de presse. À la présentation, vous étiez avec Vestine Boutoyi et Alain Désiré Bokeneza. Au revoir. Revue de la presse.